Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Évidemment, le décès de Jean Pagé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Jean Pagé qui a collaboré à quelques reprises sur les ondes de danradiosport.com. Et le 28 mai 2010, c'était la dernière émission AV de l'émission L'Attaque à 5 qui était mieux connue sur le nom 110%. C'était une émission mythique au Québec. Et Jean Pagé, la journée de la dernière émission, avait fait une entrevue sur les ondes de danradiosport.com. Donc, pour lui rendre hommage, on va vous repasser cette entrevue à l'instant. C'est une page d'histoire qui va se tourner pour la télévision au Québec. Ce sera la dernière épisode de L'Attaque à 5, où les gens qui ont bien connu, c'est l'ancien 110%. Et question de savoir un peu, avoir ses états d'âme, ben on rejoint l'animateur de L'Attaque à 5, Jean Pagé. Bonjour, M. Pagé. Salut, Danny. Ça va bien? Ça va très bien, ouais. Malgré les circonstances. Oui. Avant de commencer à parler de l'histoire de l'Attaque à 5 et 110%, moi, je me rappelle de Jean Pagé qui était venu à Dolbeau-Mistassini au Jeu du Québec en 85, à l'époque où vous étiez avec Radio-Canada. C'est ça. Je m'en souviens très bien. Il faisait froid, là. Ça n'avait pas de bon sens. Oui. Et on avait eu beaucoup de plaisir à Dolbeau. J'avais amené ma fille, d'ailleurs, avec moi. OK. Alexandra, qui était toute petite à l'époque, et aujourd'hui, là, ça ne me rajeunit pas, de 85. 85, ça. 25 ans, wow. Est-ce que le chef de police, c'est encore mon ami Thibodeau? Non, c'est plus M. Thibodeau. Vous aviez eu du plaisir ou à l'époque? Oui, on avait eu bien du plaisir. Beaucoup de plaisir. Les Jeux du Québec, là, c'était quelque chose de magique à ce moment-là. C'était toute une région, une ville qui s'organisaient entre eux là, pour faire un événement. Tu sais, c'était comme des mini-Jeux olympiques, finalement. Ah oui. Et les Jeux du Québec, parce que c'était des jeunes, alors on n'avait pas le droit de les faire compétitionner le soir, alors c'était juste durant le jour. Et le soir, on était libre. Alors imagine, on avait des parties partout. le comité organisateur nous organisait des réceptions, des soupers. C'était vraiment, vraiment là... une belle période de notre vie. Après, ça a été moins couvert. Nous, on couvrait ça vraiment un peu comme les Jeux olympiques. Ouais. Écoute, il y a même des années, on avait des émissions spéciales d'une heure par jour. Oh oui. J'ai fait Saint-Georges-de-Beauce, j'ai fait Dolbeau, Thetford Mines, Rouyn-Noranda, j'en ai fait, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, j'avais fait des dizaines de jeux du Québec. Ah oui, puis à l'époque, c'était la même époque, un an après, je pense, ou un an avant, il y avait eu les Jeux du Canada à Chicoutimi. C'est ça, Canada à Chicoutimi. Déjà là, c'était un peu plus gros, c'était un peu plus impressionnant, mais c'était quand même, c'est fun d'aller dans les régions. Ouais. Je regrette ça, là, ça me manque. Ça. Oui, est-ce que vous êtes revenu en moto? Je sais que vous êtes un amateur de moto. Oui. Ouais. Je suis revenu souvent au Saguenay. J'ai abandonné Marie-Vincent, pas l'année passée, il y a 2 ans. On est allé chez Robertval. OK. On est entré par la TUC. Oui. On est allé à Robertval. Et par la suite, on a fait le tour là, par Dolbeau-Mistassini. Vous vous souvenez, on a été arrêté dans le parc là, à Mistassini. Mm. Ça faisait pas beau par exemple cette journée-là. On est arrêté chez Mario Tremblay dîner à Alma. OK. Et on a couché à Chicoutimi. Le lendemain, on est rentré à Québec. Bon, ben c'est bien. Bon, le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est la dernière épisode de L'Attaque à 5. Moi, M. Pagé, je vous dirais que depuis 2000, j'écoutais avec Paul Rivard, j'écoutais également avec vous 110%, puis j'ai jamais déménagé, même s'il y a bien des émissions. Les états d'âme, parce que c'est quand même une page d'histoire de la télévision qui se tourne ce soir, parce que, écoutez, là... je pense que 110%, ça a fait en sorte que d'autres émissions sont venues, même d'autres émissions au niveau politique. Je pense au débat des chefs à RDI qui a été copié un peu sur 110%. C'est vraiment une page d'histoire qui se tourne. Puis je trouve ça dommage que c'est les pionniers qui s'en vont. Oui, c'est dommage parce qu'on a été copiés souvent, très souvent. Tu sais, Marie-France Bazot, Parlons Sport à Télé-Québec. Il y a même une émission actuellement qui passe à Vox là, avec Mme Durocher qui est une copie de 110%. La table est de la même forme que 110% et l'Attaque à 5. Alors, on est bien content d'avoir marqué, moi je suis bien content, je ne regrette pas du tout, ces 8 belles années que j'ai passées à la barre de cette émission-là. Ça a été extraordinaire. On a tellement eu plaisir, Danny. Là, il s'est créé des liens, il s'est tissé des liens d'amitié très forts entre les débatteurs. Ça nous a marqué. Ça a marqué le Québec. Ça a fait des petits, c'est nous autres sports, imagine. C'est triste. Aujourd'hui, c'est une triste journée pour nous tous, là, les artisans de 110%. Il y en a eu beaucoup, beaucoup qui sont passés. Là. Tous ceux-là que tu vois à l'antichambre actuellement. Ouais. Chicone à Radio-Canada à la zone, Michel Villeneuve à la zone, ils viennent tous de 110%. Tu me demandes mes états d'âme, triste, puis un peu résigné parce que c'est une décision de la corporation, c'est une décision des propriétaires de V qui ont dit on veut passer à d'autres choses. Puis okay. On les comprend d'une certaine façon, puis d'une autre façon, on ne les comprend pas, mais c'est eux qui sont les patrons, c'est eux qui sont propriétaires du réseau, hein, c'est eux qui vont décider. Mais on parle de faible code d'écoute de 200 000 personnes, mais pour 20, là, on se comptera pas d'histoire, là, c'est que, probablement une des plus grosses émissions de code d'écoute. Il y a d'autres choses en arrière de ça. C'était pas seulement les codes d'écoute, c'est que cette émission-là était un peu l'identité du réseau. Ouais. Et c'est ça qu'on ne comprend pas qu'ils soient débarrassés de nous. C'est sûr que cette année, ça a été différent. Alors, l'attaque à 5 était différente parce que la compagnie qui nous produisait voulait avoir des crédits d'impôt. Ouais. Elle n'a pas eu. Alors, il fallait faire ça vraiment selon les normes, payer les débatteurs par via l'Union des artistes. Ça a coûté plus cher cette année. Ça, c'est une raison. Moi, je pense que la raison est plus économique que code d'écoute. Parce qu'à 200 000 de code d'écoute, le soir à 10h, là, c'est pas si mal. Au Québec, il faut se résigner, là, il y a moins de monde qui écoute la télévision. Là. Et les soirs où il n'y avait pas de match de hockey, on était les premiers dans le marché. On battait l'antichambre, on battait la zone. Donc, c'est déjà très, très bon, là, quand même. C'est une décision difficile à prendre parce que, écoute, on a eu tellement de réactions sur Facebook et des groupes qui sont partis pour soutenir l'attaque à 5, pour que l'attaque à 5 demeure. Moi, j'ai eu des dizaines et des dizaines de témoignages via l'Internet, via Hotmail, sur le site de Facebook. Puis les gens ne comprennent pas. OK. Pensez-vous que le fait qu'il y ait eu trop d'émissions, là, l'antichambre, tu as eu également la zone? Ça n'a pas aidé, hein? Ça, c'est toute l'année que ça n'a pas aidé, là. Nous faire copier par Radio-Canada et par RDS. Mais RDS, c'était tout à fait normal. Nous autres, on se disait, le producteur Éric Lavallée et moi, les 5 dernières années, 110%, on se disait tout le temps, on ne comprend pas comment ça fait qu'RDS ne sort pas une maladie. On ne comprend pas ça. C'est leur mandat. C'est leur paye, leur barre, le sport. Et finalement, une bonne journée, ils l'ont fait. Puis dans le marché québécois, de 10h, 10h30, 11h le soir, 3 émissions de sport, c'est beaucoup. Oui. Oh oui, c'est sûr. C'est beaucoup. Alors, tu divises l'auditoire en 3, puis ça fait mal à tout le monde. Ça fait quand même 8 ans que tu es parti de Radio-Canada pour l'aventure du public au privé. Quand tu regardes ça, est-ce que tu regrettes un peu ta décision? Non. J'ai jamais regretté de l'avoir fait. Je ne regretterai jamais ces 8 années-là. Je te dis, là, si je regarde ça, ça a passé tellement vite. Ça fait déjà 8 ans. Et tous les soirs où je rentrais travailler, là, jamais là, je me suis dit « Ah, cette année, ça ne me tente plus. » Jamais. C'était toujours le fun d'aller travailler sur cette émission-là. Vous n'avez pas de... Alors, je ne le regrette pas. Ça fait partie des choses de la vie. Ouais. Je vais voir ce qui va m'arriver au cours des prochains mois. Là. Et vous n'avez pas de... Moi, riche, là, mais je m'en suis mis un peu de côté, des REER, puis tout ça. Je peux vivre un petit bout. Là. Et vous n'avez pas travaillé dans des conditions idéales. Je me rappelle du camp d'entraînement l'année passée. Ça ressemblait à un garage. Oui, ça c'est vrai que le camp d'entraînement l'année passée, c'était pas facile. Le producteur et le diffuseur qui voulaient avoir des émissions et le studio était pas prêt. OK. Alors on s'est installé dans un espèce de loft là, ici dans le quartier Saint-Patrick, sur la rue Saint-Patrick à Montréal, dans un espèce de loft avec un décor bâti à la dernière seconde. Parce que le diffuseur avait besoin d'émissions, il y avait des émissions de vendus. Okay. C'est correct, parce que c'est pas ça qui nous a amené la disparition de l'attaque à 5. OK. Que réserve l'avenir de Jean Pagé? Vous avez quand même, 62, 63 actuellement? 64. Sur les 4, c'est un média. On sait que le monde des médias n'est pas facile. Heureusement, il arrive TVA Sport à compter de l'an prochain, qui va créer certains jobs dans le domaine. Que réserve? Je ne sais pas ce que l'avenir, tu sais, Danny, l'avenir, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je suis optimiste, moi. Okay. J'ai encore des jeunes enfants. Là. J'ai un fils de 15 ans et une fille de 18 ans. Oui. Alors, il faut que j'en prenne soin. Je n'ai pas de... Des fois, là, je pense à ça et j'angoisse un peu, là, effectivement, sur mon avenir. Mais la majorité du temps, je pense ça d'une façon sereine puis je me dis, je suis certain qu'à un moment donné, je vais avoir une offre. Je peux aller lire des nouvelles, tu sais, à RIF, là, il n'y a rien de minime, de mineur dans notre métier, nous autres. Non, non. Si tu travailles à la télévision, tu sais, si je n'ai pas de job, je peux aller lire des nouvelles à quelque part, je peux aller faire des nouvelles, je peux aller faire du reportage, j'en ai déjà fait, je peux écrire dans des revues ou des journaux, ou sur l'Internet. L'Internet est très intéressant actuellement. Oui. Mais... c'est moins payant, mais au moins, tu sais, tu as quelque chose, puis tu travailles, parce que je ne veux pas rester à rien faire. Oui. Mais c'est quand même surprenant pareil, parce que vous avez eu les Olympiques cette année, vous aurez les Olympiques à Londres en 2012, donc c'est surprenant quand même qu'on abandonne une émission de sport quand même. Ça, il y a des choses que dans la vie, on a de la misère à comprendre. Oui, oui, oui. Ça, c'en est une. Oui. Ben, Jean, je te remercie beaucoup de ta collaboration, puis j'espère qu'on va avoir le plaisir de se reparler. Oui, puis je vais passer dans votre région à un moment donné. Là. Je me prépare un petit voyage là, au mois de juin en moto. Là. OK. Je veux aller faire le tour de Zach, refaire la même boucle qu'on avait fait avec la Marie-Vincent, rentrer par la Tuque Saint-Prime, puis... aller à Roberval, puis redescendre de l'autre côté. Là. C'est tellement un beau pays que vous avez. Hey, vous êtes un amateur de moto. Il y a eu une manifestation fin de semaine, 12 000 personnes qui ont manifesté pour les plaques. Ça a quand même tué un peu le sport de la moto. Hein? Oui, il y a la récession aussi qui n'a pas aidé, mais ouais. ça a nuit. C'est évident que ça a nuit au sport de la moto. Beaucoup, beaucoup. Mais on ne payait pas assez cher. Et on sait, ici, on avait du rattrapage à faire par rapport à l'Ontario et aux autres provinces du Canada. On est responsable d'un certain nombre d'accidents. Mmh. Mais le problème, le défaut de la FAQ, c'est qu'ils ont visé un groupe au lieu de viser des individus. Les jeunes. Si tu fais une motosport, puis tu n'as jamais eu d'accident, tu es prudent, pourquoi tu es pénalisé? Ouais. C'est ça qu'on ne comprend pas et c'est ça qu'on ne veut pas. Que nous, les motos custom, les motos touristes, qu'on soit passé de 350 à 500. Cette année, là. Ouais. C'était un peu normal. Je pense qu'on avait du rattrapage à faire pour. Mais, tu sais, moi, c'est les motosports, j'en reviens pas. Avec 1200 et 1400 pour immatriculer ces motos-là, là, ça fait mal. Ouais. Ben, Jean, merci beaucoup. Puis mes salutations à Evelyne, parce que je peux avoir des commentaires et qu'il y a beaucoup de monde qui la trouvait jolie. Et elle est très gentille à part ça. C'est une fille qui va aller loin, qui va faire une belle carrière. Ah oui, donc mes salutations à elle. Bon, mais merci, Dani. Voilà, c'était l'animateur de l'Attaque à 5, Jean Pagé. Dès ce soir, il y aura la fin de l'émission.